faire des flots de fou. Je m'en bats les couilles du rap game qui s'essouffle, de ces histoires de clash, de merde qui m'étouffe. Y'a plus de fond ou de forme, mais quand je gratte, te jure, j'essaie, je mets tout. Pendant que la plupart mentent tous. J'attends la fraîcheur d'un manteau, son sert du réchauffé. Attendez-nous au sommet qui disait, mais qui dit vrai. Quand je les mate au sous-sol en train de teaser depuis mon rez-de-chaussée. Comprends pourquoi y'a très peu de filles dans mes projets. Donc j'écris, je crée, souvent en solo s'te plaît. Comme ça y'aura que moi pour me stopper dans mes progrès. Au programme, réussite, trophée. Oui je sais, je rêve, j'suis trop grave, mais qui sait. J'ai commencé là-dedans autodidacte et sans plus graver. Et comme les snipers mon blaze, je voulais graver, c'est grave vrai. J'ai vu le mot ego caché derrière le respect de soi-même. Je crois qu'il y en a plus d'un défrayé. Depuis qu'il y en a qui payent les frères dans leur beau refrain. Tu sais moi, je pense aux petits refrains. Surtout à ceux qui ont peur de rien. J'ai lâché la fiction pour le vécu. J'ai tourné le dos à mon ego vaincu. Je veux pas devenir un culte pour ado. Juste devenir adulte sans ego, un culte inclus. Depuis c'est vrai, je lâche un peu de ma vie. Beaucoup de mes morceaux aussi déguisent en biographie. Je sers des photographies de mon vécu en graphique. Je gravis un mental rempli de métaphores d'infographiste. Laisser une trace, j'ai le CD dans le graveur de ma vie, de mon fils. Je rap, je kick, je me nourris de mon kiff. J'évite les ennemis qui vivent ici ou à Miami. J'aime cette femme qui m'appelle Mia Mort, qui prend soin de moi jusqu'à ma mise à mort, frère. J'ai la rime qui met à nu, mais loin d'être dénu et de sens, souvent effervescente. Je m'attends où j'ai connu le bas, moi. Et si on me tend la main, tu sais, je me laisse faire, je descends. Les vrais savent de quoi je suis capable. De l'époque où j'avais la touffe sur le crâne avant qu'il soit cramé. A sonné la fin d'un ego à l'apogée. Depuis, je te jure, j'ai le vécu accroché. Depuis qu'il y en a qui payent les frères dans leur beau refrain. Tu sais, moi, j'pense aux petits refrains. Surtout à ceux qui ont peur de rien. J'ai lâché la fiction pour le vécu. J'ai tourné le dos à mon ego vaincu. Je veux pas devenir un culte pour ado. Juste devenir adulte sans ego, un culte inclus. Maintenant tu vois de quoi je parle, dans quoi je baigne, c'est dans quoi je peine à raconter le requiem d'une vie que chaîne à combler. À côté de ça, je surveille les données qu'on insère dans les petites têtes saturées, souillées d'idoles fanées. Fais passer le message en 3G, en 4G, en mode swagé. Soit tu joues le bonhomme sérieux ou swagé. Moi je ne vois qu'une géante simulation de gens en train de pagayer. Comme dit Lino, on en revient au même point, le disque est rayé. Même s'ils ont beau faire disque d'or, pour moi ça reste. Des disquetteurs, des guetteurs, de vue dans un combat de coq. Bientôt la variette, la pop. Et pourquoi pas leur tête à l'affiche quand je boufferai mon popcorn. Devenir comme eux, non. Courir à l'argent, en devenir démon, non. J'aspire à autre chose dorénavant. Moi je parle sérieusement, franchement, vraiment, vraiment. Depuis qu'il y en a qui payent les frères dans leur beau refrain. Tu sais, moi, j'pense aux petits refrains. Surtout à ceux qui ont peur de rien. J'ai lâché la fiction pour le vécu. J'ai tourné le dos à mon ego vaincu. Je veux pas devenir un culte pour ado. Juste devenir adulte sans ego, un culte inclus. Depuis qu'il y en a qui payent les frères dans leur beau refrain. Tu sais, moi, j'pense aux petits refrains. Surtout à ceux qui ont peur de rien. J'ai lâché la fiction pour le vécu. J'ai tourné le dos à mon ego vaincu. Je veux pas devenir un culte pour ado. Juste devenir adulte sans ego, un culte inclus.